pas frérot. Univers hardcore, dis pas que nos quartiers sont sensibles. Même les petits n'ont pas de cœur, juste un crocodile au-dessus. Ici c'est glacé comme une cellule, garde à vue connard parce que nos vies c'est tout niquer tant coupé avant que t'en viennes s'occuper. Les trop sondés à des barreaux impossibles à couper. Coupable Eric coupe en refresh, t'es pas là frais. Capable de survivre ici, on est tous ensemble mais seul tué. Quand 15 de tes semblables veulent te tuer, ici c'est blanc comme la banquise, pour ça qu'on est foncé. Histoire de facilement reconnaître ceux qui niquent le sol français. MC, on vient de là où le ciel est gris. Écrit gros c'est grave, trop d'arabes et de négro rame sur du verglas. Pour ça que beaucoup de rêves stagnent dans cet univers là. C'est laid, mais bon faut s'y faire. La plupart de mes frères avec le savoir suivent Lucifer. Chez nous c'est tard, j't'envoie un son, t'as les bâtards. C'est Monsieur X, efficace, trop de speed pour les radars. J'ai le rap pour les camos, les rimes c'est des bastos. C'est pour les rolotos qui se prennent pour les vatos locaux. Chez nous c'est tard, j't'envoie un son, t'as les bâtards. C'est Monsieur X, efficace, trop de speed pour les radars. J'ai le rap pour les camos, les rimes c'est des bastos. C'est pour les rolotos qui se prennent pour les vatos locaux. Si les frères deviennent détenus un père, bien reviennent avec la barbe, galère de vocabulaire. Mettre la barbe mieux que le barbier, disparaissent comme Corbier. Scolarité à la corbeille, une vie en pied. Certains perdent leur famille comme Corneille. Ce morceau je viens dédier à ceux qui aiment trop l'oseille. Quand je rappe, le son résonne des oreilles jusqu'aux orteils. Pendant que j'ai un barrière, on veut péter la croupe à la croupière. Accroupi, je dégoupille un gros mot là dans la soupière. Vas-y, souffre, frère, soupire. Ici c'est le label 5, pas la bépière qui sponsorise. Trop de cicatrices parce qu'ici c'est la crise cousse. Appelle qui tu veux à la rescousse. Pour grimper, j'ai volé les chaînes de Richter qui flasse secousse. Secoue la tête sur un beat, c'est goût. Dis pas que c'est cool, mais plutôt que ça découpe. Moi je te mets des coups de bite en guise de coups de pouce. Chez nous c'est tard, j't'envoie un son, t'as les bâtards. C'est Monsieur X, efficace, trop de speed pour les radars. J'ai le rap pour les camos, les rimes c'est des bastos. C'est pour les rolotos qui se prennent pour les vatos locaux. Chez nous c'est tard, j't'envoie un son, t'as les bâtards. C'est Monsieur X, efficace, trop de speed pour les radars. J'ai le rap pour les camos, les rimes c'est des bastos. C'est pour les rolotos qui se prennent pour les vatos locaux.